faut que je m'en aille. Où est mon chandail? Je mets ma salopette pour faire des pirouettes. Mon tiroir est plein de vêtements dont j'ai besoin. Des culottes, des paires de bas. Moi je grandis, eux grandissent pas. Non, non. Pour aller dehors, quand ils vont te fort, je mets mon manteau chaud. Je suis bien comme ça. Mon tiroir est plein de vêtements dont j'ai besoin. Des culottes, des paires de bas. Moi je grandis, elles grandissent pas.